Radio Mont-Blanc. L'agenda. Vendredi, comme chaque année depuis 2010, le High Five Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy. C'est le festival du ski, mais pas que. Entre présentation de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor. Retrouvez tout le programme d'ailleurs sur highfive-festival.com. C'est à Annecy, ça commence vendredi, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Vendredi soir, Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des Pionniers de Chamonix, nous vous offrons vos invitations pour tous les matchs à domicile de la saison. Le prochain match, c'est à Richard Bozon vendredi. C'est à 20h, les Pionniers affronteront les Gothiques d'Amiens. Vous voulez gagner vos invites? C'est facile. Envoyez Pionniers sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47.